Chapitre 76e, la souricière à philosophe. Au sommet de la colline gravie assez péniblement par les trois botanistes, s'élevait un de ces petits réduits en bois rustique, aux colonnes noueuses, aux pignons aigus, aux fenêtres tapissées de lierre et de clématite, véritables importations de l'architecture anglaise, ou plutôt des jardiniers anglais, lesquels imitent la nature, ou pour mieux dire, inventent une nature à eux, ce qui donne une certaine originalité à leurs créations mobilières et à leurs inventions végétales. Les Anglais ont inventé les roses bleues, et leur plus grande ambition a toujours été l'antithèse de toutes les idées reçues. Ils inventeront les lys noirs. Ce pavillon, assez spacieux pour contenir une table et 6 chaises, était carrelé en briques sur champ. Ces briques étaient revêtues d'une natte. Quant aux murs, ils étaient faits de petites mosaïques de cailloux choisis sur la berge de la rivière et de coquillages ultra-sécaniens. Car les grès de Bougival et de Port-Marly n'étaient pas, au regard du promeneur, l'oursin, la coquille de Saint-Jacques ou les contes nacrés et rosés qu'il faut aller chercher à Harfleur, à Dieppe ou sur les récifs de Sainte-Adresse. Le plafond était en relief. Des pommes de pin, des souches d'une physionomie étrange, imitant les pluies de profils de faune ou d'animaux sauvages, semblaient suspendues sur la tête des visiteurs. En outre, on voyait par des vitres de couleur, suivant que l'on regardait par un vert violet, rouge ou bleu, ici la plaine ou le bois du Vésinet, teinté comme par un ciel d'orage, là, resplendissant sous la brûlante haleine d'un soleil d'août, plus haut, froid et terne, comme par une gelée de décembre. Il ne s'agissait que de choisir sa vitre, c'est-à-dire son goût, et de regarder. Ce spectacle divertit beaucoup Gilbert, et il observa par tous les losanges le riche bassin qui se déploie au regard du haut de la colline de Lucienne, et au milieu duquel serpente la Seine. Un spectacle cependant assez intéressant aussi, du moins M. de Jussieu le jugeait-il de la sorte, c'était le charmant déjeuner servi sur la table de bois rocailleux au milieu du pavillon. La crème exquise de Marly, les beaux abricots et les prunes de Lucienne, les crépinettes et les saucisses de Nanterre, fumantes sur un plat de porcelaine, sans qu'on eût vu un seul domestique les apporter. Les fraises, toutes riantes, dans un charmant panier tapissé de feuilles de vigne, et à côté d'un beurre éblouissant de fraîcheur, le gros pain bis du villageois et le pain de gruau doré, cher à l'estomac blasé de l'habitant des villes, voilà ce qui fit jeter un petit cri d'admiration à Rousseau, philosophe s'il en fut, mais gourmet naïf parce qu'il avait l'appétit aussi vif que le goût modeste. « Quelle folie !» dit-il à M. de Jussieu, « le pain et les fruits, voilà ce qu'il nous fallait. » Et encore, eussions-nous dû, en vrai botaniste et en laborieux explorateur, manger le pain et croquer les prunes, sans cesser de fouiller dans les touffes et de creuser les fossés. Vous rappelez-vous, Gilbert, mon déjeuner de Plessis-Piquet, le vôtre ? Oui, monsieur, ce pain et ces cerises qui me parurent si délicieux. Précisément. À la bonne heure, voilà comment déjeunent vrais amants de la nature. Mon cher maître, interrompit M. de Jussieu, si vous me reprochez la prodigalité, vous avez tort. Jamais plus modeste service. Oh ! S'écria le philosophe, vous dépréciez votre table, seigneur Lucullus. La mienne, non pas, dit Jussieu. Chez qui donc sommes-nous alors ? Reprit Rousseau, avec un sourire qui témoignait à la fois de sa contrainte et de sa bonne humeur. Chez des lutins ? Ou des fées ? Dit en se levant M. de Jussieu, avec un regard perdu vers la porte du pavillon. Des fées ? S'écria Rousseau avec gaieté. Alors bénie soit-elle pour leur hospitalité. J'ai faim. « Mangeons, Gilbert !» Il se coupa une tranche fort respectable de pain bis, passant le pain et le couteau à son élève. Puis, tout en mordant au milieu de la mie compacte, il choisit une couple de prunes sur l'assiette. Gilbert hésitait. « Allez, allez !» dit Rousseau. « Les fées s'offenseraient de votre retenue et croiraient que vous trouvez leur festin incomplet. Ou indigne de vous, messieurs !» articula une voix argentine à l'entrée du pavillon où se présentèrent, bras dessus, bras dessous, deux femmes fraîches et belles, qui, le sourire sur les lèvres, faisaient signe à M. de Jussieu de modérer ses salutations. Rousseau se retourna, tenant de la main droite le pain échancré et de la gauche une prune entamée. Il vit ces deux déesses, ou du moins elles lui parurent elles par la jeunesse et la beauté. Il les vit et demeura stupéfait, saluant et chancelant. « Oh, madame la comtesse, dit M. de Jussieu, vous ici, l'aimable surprise. » « Bonjour, cher botaniste, » dit l'une des dames avec une familiarité et une grâce toute royale. « Permettez que je vous présente M. Rousseau, » dit Jussieu, en prenant le philosophe par la main qui tenait le pain bis. Gilbert lui aussi avait vu et reconnu les deux femmes. Il ouvrait donc de grands yeux, et pâle comme la mort, regardait par la fenêtre du pavillon avec l'idée de se précipiter. « Bonjour, mon petit philosophe, » dit l'autre dame à Gilbert anéanti, en lui caressant la joue d'un petit soufflet de ses trois doigts rosés. Rousseau vit et entendit. Il faillit étrangler de colère. Son élève connaissait les deux déesses et était connu d'elles. Gilbert faillit se trouver mal. « Ne reconnaissez-vous donc pas, madame la comtesse ?» dit Jussieu à Rousseau. « Non, » fit celui-ci hébété. « C'est la première fois, il me semble. »« Madame du Barry, » poursuivit Jussieu. Rousseau bondit comme s'il eût marché sur une plaque rougie. « Madame du Barry ? » s'écria-t-il. « Moi-même, monsieur, » dit la jeune femme avec toute sa grâce. « Moi qui suis bien heureuse d'avoir reçu chez moi et vu de près un des plus illustres penseurs de ce temps. »« Madame du Barry, » répéta Rousseau, sans s'apercevoir que son étonnement devenait une grave offense. « Elle. Et sans doute que ce pavillon est à elle. Sans doute que c'est elle qui me donna déjeuner. Vous avez deviné, mon cher philosophe, c'est elle et madame sa sœur, » continua Jussieu, mal à l'aise devant ces éléments de tempête. Sa sœur ? Qui connaît Gilbert ? Intimement, monsieur, répondit mademoiselle Chon, avec cette audace qui ne respectait ni humeur royale, ni boutade de philosophe. Gilbert chercha des yeux un trou assez grand pour s'y abîmer tout entier, tant brillait redoutablement l'œil de monsieur Rousseau. « Intimement, » répéta ce dernier. « Gilbert connaissait intimement madame et je n'en savais rien. Mais alors j'étais trahi, mais alors on se jouait de moi. » Chon et sa sœur se regardèrent en ricanant. Monsieur le Jussieu déchira une maline qui valait bien 40 louis. Gilbert joignit les mains, soit pour supplier Chon de se taire, soit pour conjurer Rousseau de lui parler plus gracieusement. Mais au contraire, ce fut Rousseau qui se tut et Chon qui parla. « Oui, » dit-elle. « Gilbert et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Il a été mon hôte, n'est-ce pas, petit ? Est-ce que tu serais déjà un grand vers les confitures de Lucienne et de Versailles ?» Ce trait porta le dernier coup. Les bras de Rousseau s'allongèrent comme de ressorts et retombèrent à son côté. « Ah ! » fit-il en regardant le jeune homme de travers. « C'est comme cela, petit malheureux. »« Monsieur Rousseau, » murmura Gilbert. « Eh bien, mais on dirait que tu pleures d'avoir été choyé de ma main. » continua Chon. « Eh bien, « je me doutais que tu étais un ingrat. »« Mademoiselle, » supplia Gilbert. « Petit, » dit madame du Barry, « reviens à Lucienne, les confitures et Zamor t'attendent, et quoique tu en sois sorti d'une façon singulière, tu y seras bien reçu. »« Merci, madame, » fit sèchement Gilbert. « Quand je quitte un endroit, c'est que je ne m'y plais pas. »« Et pourquoi refuser le bien qu'on vous offre ?» interrompit Rousseau avec aigreur. « Vous avez goûté de la richesse, mon cher Gilbert, il faut vous y reprendre. » « Mais, monsieur, puisque je vous jure, allez, allez, je n'aime pas ceux qui soufflent le chaud et le froid. Mais vous ne m'avez pas entendu, monsieur Rousseau, si fait. Mais je me suis échappé de Lucienne, où l'on me tenait enfermé. Piège, je connais la malice des hommes. Mais puisque je vous ai préféré, puisque je vous ai accepté pour hôte, pour protecteur, pour maître... Hypocrisie, cependant, monsieur Rousseau, si je tenais à la richesse, j'accepterais l'offre de ces dames. « Monsieur Gilbert, on me trompe souvent une fois, jamais deux, vous êtes libre, allez où vous voudrez. »« Mais où, grand Dieu ?» s'écria Gilbert, abîmé dans sa douleur, parce qu'il voyait à jamais perdu sa fenêtre et le voisinage d'André et tout son amour, parce qu'il souffrait dans sa fierté d'être soupçonné de trahison, parce qu'il voyait méconnu son abnégation, sa longue lutte contre la paresse et les appétits de son âge qu'il avait si courageusement vaincu. « Où ?» dit Rousseau. « Mais d'abord chez madame, qui est une belle et excellente personne. Oh mon Dieu !» « Mon Dieu !» s'écria Gilbert, roulant sa tête dans ses mains. « N'ayez pas peur !» lui dit monsieur de Jussieu, profondément blessé, comme homme du monde, de l'étrange sortie de Rousseau contre les dames. « N'ayez pas peur, on aura soin de vous, et ce que vous perdrez, eh bien, on tâchera de vous le rendre. »« Vous le voyez ?» fit Rousseau acrimonieusement. « Voilà monsieur de Jussieu, un savant, un ami de la nature, un de vos complices, » ajouta-t-il avec un effort grimaçant pour sourire. Lequel vous promet assistance et fortune, et comptez-y, monsieur de Jussieu, le bras long. » Cela dit, Rousseau, ne se possédant plus, salua les dames avec des réminiscences de Romane, en fit autant à monsieur de Jussieu consterné, puis, sans même regarder Gilbert, sortit tragiquement du pavillon. « Oh, la laide bête qu'un philosophe !» dit tranquillement Chon, en regardant le genevois qui descendait, ou plutôt qui dégringolait le sentier. « Demandez ce que vous voudrez, » dit monsieur de Jussieu à Gilbert, qui tenait toujours son visage enseveli dans ses mains. « Oui, demandez, monsieur Gilbert, » ajouta la comtesse avec un sourire à l'adresse de l'élève abandonné. Celui-ci releva sa tête pâle, écarta les cheveux que la sueur et les larmes avaient collés à son front, et d'une voix assurée. puisqu'on veut bien m'offrir un emploi, dit-il, je désire entrer comme aide jardinier à Trianon. » Chon et la comtesse se regardèrent, et de son pied mutin, Chon allait effleurer le pied de sa sœur avec un triomphant clin d'œil. La comtesse fit de la tête signe qu'elle comprenait parfaitement. « Est-ce faisable, monsieur le Jussieu ?» demanda la comtesse. « Je le désire. »« Puisque vous le désirez, madame, » répondit celui-ci. « C'est fait. » Gilbert s'inclina, mit une main sur son cœur qui débordait de joie, après avoir été noyé de tristesse.